Avant de démarrer ce micro ouvert qui parle des points culture, enseignement, on disait la médiathèque, mais ça reste toujours la médiathèque, les points culture. En tout cas, ils sont en phase terminale. Ça se termine, cette histoire-là, donc c'est le sujet du micro ouvert. Et avant d'écouter ce micro ouvert, j'avais envie de faire écouter Vidéo Club, qui est l'idée de faire entrer un réalisateur-réalisatrice dans un vrai vidéoclub à l'ancienne avec tous les films dedans. Et là, il s'agit de Justine Triet pour l'anatomie d'une chute. En fait, c'est super marrant d'entendre tous les films qu'elle a vus, qui ont façonné son être, quoi, on va dire ça comme ça. Et c'est quand même balèze, quoi. Ça raconte des choses, voilà. Ah bon, ce film m'a passionné en fait. Il est inégal, mais c'est hyper intéressant. C'est complètement effrayant, comme peu de gens dont c'est vraiment l'exercice de faire des films d'angoisse ont pu réussir à le faire. Je suis mais dingue. Enfin bon, c'est un véritable chef-d'œuvre. Il y a 15 inventions par plan. En fait, en vérité, j'ai le rêve secret de faire un remake de ce film. Tony Erdmann, alors Tony Erdmann, bah oui, je ne peux pas ne pas penser à Marraine 2. C'est quelqu'un de très important pour moi. J'ai adoré le film. Et puis évidemment, bah il y a Sandra dedans. Yeah, when I started, I was really surprised because almost everyone did a master's degree abroad. They speak several languages. Gros choc, c'est le moment où Victoria sort et je découvre Tony Erdmann et c'est un film qui me fait à la fois rire mais pas tant que ça en vrai, que je trouve extrêmement violent sur le rapport familial et que je trouve passionnant et un quelque chose de nouveau que je connais pas dans la façon de raconter la famille comme ça et que je trouve fascinant et voilà. Et puis Sandra, forcément quoi, ce film ça me fait aussi rencontrer Sandra, donc je la connaissais d'avant, mais c'est vrai que c'est le film où je découvre vraiment quelqu'un que je vais avoir envie de filmer beaucoup. Je suis fan de cette personne et j'attends avec impatience le prochain film qu'elle va faire. Ça, j'ai adoré. Ça, j'ai complètement adoré et je l'ai vu vraiment très en retard. Et j'ai découvert cette actrice incroyable. Je crois que c'est le film que je préfère de lui, en fait. J'aime énormément. Il y a une modernité dans ce film incroyable. Un ton très particulier. L'image du film est dingue en pellicule. Je suis très, très, très fan du film qui est finalement pas tant reconnu que ça, je trouve, par rapport à ce qu'il est, en fait. Au profil, smart, pour le moment, viens, genre. Allez, tu fais. Oh, cette conversation qui se suit comme ça entre eux, je trouve ça extrêmement intelligent et enfin voilà, ça m'a beaucoup beaucoup touché ça. Ça c'est la bible de quand je suis très très jeune. J'ai découvert ça, je pense j'étais bébé, enfin j'avais genre 16 17 ans et j'ai adoré, je me suis plongée dans toute son œuvre en fait qui m'a fascinée. Et le décalogue, ouais, c'est un truc très très fort et un peu inclassable en fait. J'ai pas vu depuis très très longtemps, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a très fort constitué. Je sais pas si la génération jeune maintenant regarde des trucs comme ça, mais je trouve que ça vaut le coup vraiment de voir. C'est très très fort. Alors après ça, c'est un film qui a été fort quand je l'ai vu, évidemment, sur le couple. Et puis à la neige aussi, à la montagne. C'est un film que j'ai revu avant de tourner. Ouais, très fort. Et puis aussi, c'est intéressant, c'est un film qui montre un homme faible, père de famille, qui n'arrive plus du tout à gérer, qui démissionne complètement. Et c'est intéressant, je trouve, de la part d'un homme de faire ça. Ouais, je crois que c'est mon film préféré de lui. Ah, ça, ouais. J'adore ce film, je le connais par cœur, je le chante. C'est un film très important pour moi. Mais je trouve que ce film est très impertinent, les dialogues me font rire. On les aime, ça encore, c'est rien. Mais on leur offre un travail en or. Et elle nous laisse tomber la veille d'une représentation. Et pour qui ? Des marins ! Je trouve que toutes les musiques sont extraordinaires. Voilà le côté irrévérencieux, toutes les histoires de meurtre à l'intérieur me passionne. Enfin, j'adore. Ouais, et puis en même temps, c'est très, très... c'est très irrévérencieux. Tu avais tout pour me séduire. Le nez, la bouche, le front, les cheveux. Si tu avais eu les tes yeux bleus. J'aurais pu d'amour pour toi mourir. Alors bon, bah non, la même, ça c'est énorme évidemment. Je me souviens avoir vu ce film, j'étais étudiante, et je me souviens très bien être sortie et vouloir faire partie de ces gens. Je me disais, ces gens sont mes amis, je suis comme eux, je voulais parler comme eux. C'est-à-dire que j'avais pris des expressions de Françoise Lebrun, je sais plus ce que je disais tout le temps. Mais enfin, c'était ridicule, mais j'avais vraiment ce truc de mimétisme absolu, je voulais rentrer dans le film. J'avais envie de vous voir, mais ce n'est pas si simple. Je n'ai pas d'argent. Et je crois que je ne sais pas vivre sans argent. Je ne sais pas quoi faire, pas où aller. Mais ça n'a pas d'importance. Quand on est bien avec les gens, on peut rester dans un café. Énorme choc, parce que je me dis, on peut faire des films où, en fait, il y a une puissance, une vérité qui en sort. Bon, évidemment, la découverte de Jean-Pierre Léaud comme il n'a jamais été. En tout cas, chez Truffaut, c'est... Voilà, je sais que Jean-Pierre Léaud disait, quand il venait sur son plateau, « Je voudrais que tu te nettoies de ce que tu as fait chez Truffaut. » Une phrase très violente, mais qui se comprend quelque part quand tu vois le film. C'est-à-dire que dans ce film-là, pour moi, c'est l'anti-Truffaut. Ce qu'il fait là, pour moi, c'est une invention, un nouveau langage en fait, de cinéma. C'est magnifique, la scène à la fin avec la bassine, quand elle lui dit « Vous savez pas prendre soin des gens que vous aimez, je vais vomir, aidez-moi. » Je suis malade. J'ai dégueulé. Si vous voulez m'épouser, rendez-vous utile. Prenez-moi une cuvette. Micro ouvert. Allez, 1, 2, 3, c'est parti, on démarre. Alors, David Ménessier. En fait, c'est comme un collègue un peu, David Ménessier, parce qu'il fait aussi des choses à Radio Campus. C'est tout ce que je sais de toi, David. T'as envie de te présenter, mais basiquement pour qu'on sache d'où tu parles, toi, en fait. Bah écoute, moi je suis un passionné à la base de musique, de cinéma, d'art en général, et j'ai été disquaire, je travaillais à Radio Campus depuis 1995, et alors je suis aussi employé à Point Culture, donc qui était anciennement la médiathèque, depuis 2009. Et alors je suis représentant du personnel aussi, donc je suis médiateur, dans mon travail au jour le jour, je suis médiateur culturel, ça veut dire que je m'occupe de disciplines comme le cinéma et la musique, et j'essaye de tisser des liens dans les catalogues historiques de Point Culture pour essayer, sur des thématiques, d'apprendre des choses aux gens. Par exemple, parler d'une ville comme Détroit et de dire qu'il y a eu toute une évolution sociale, économique, que tu peux lier à la musique et au cinéma. Et si tu peux faire ça, alors c'est un peu mon travail au jour le jour, faire des playlists, acheter des disques encore. Donc ça, c'est important de le signaler. On continue d'acheter des disques physiques. Il y a encore des disques ? Absolument, il y a encore des CD. Une mode un peu, une mode quoi. Non, il y a des supports qui continuent d'exister. Le CD par exemple est un peu en baisse, mais c'est un support qui est toujours là, qui a toujours été là, qui ne s'est jamais arrêté. Le vinyle, il a repris un peu, effectivement avec un effet de mode, et on a cru qu'il y avait de nouveau un engouement, mais en fait ça reste très minoritaire. Mais ça, c'est un marché qui a, parce qu'il faut parler avec des mots économiques, c'est un marché qui a repris. Et qui est devenu un gros marché dans les supports actuellement, oui. Et donc, il y a aussi les supports cassettes, ça c'est plus confidentiel, mais ça c'est revenu. Donc en fait, les supports physiques ne sont pas du tout morts, simplement ils sont en mutation depuis quand même pas mal d'années, puisque évidemment, il y a le digital, les plateformes de stream qui sont arrivées déjà il y a un bon bout de temps. Et moi, je ne les oppose jamais, parce que je pense que ça ne sert à rien de les opposer. Il y a une évolution technologique qui fait que. Mais par contre, de pouvoir dire que le support physique est très important encore aujourd'hui, mais ça, c'est quelque chose que moi, c'est un peu mon cheval de bataille, quoi. Je peux écouter des choses en digital et je peux tout à fait continuer à acheter. D'ailleurs, j'achète toujours parce que je suis un peu de cette culture-là du support physique. Mais convaincre les gens aussi que dans le support, que sur Internet, il n'y a pas tout, par exemple, pour moi, c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui croient que je tape sur un moteur de recherche un truc et que si je le trouve... Si je trouve ce que j'ai envie de trouver, ben que c'est ça, ce qui est sur Internet, qui est la totalité de ce qu'on trouve sur tel sujet. Ben non, pas du tout. Il y a plein de choses qui ne sont pas sur le net. Mais ça, les gens ne le voient pas parce qu'ils croient que le seul prisme qu'ils ont, enfin, un des seuls prismes qu'ils ont, c'est ce truc de moteur de recherche. Donc, ils imaginent que si le moteur de recherche leur dit ce qu'il y a là, c'est que c'est ça et pas autre chose. Alors que c'est complètement faux. Oui, mais on va aborder le sujet. Hein. C'est... Moi, j'avais envie de te rencontrer, David, parce que j'ai appris, si les gens... Mais c'est toujours ça, il faut faire gaffe, parce que des fois, on parle dans l'entre-soi, quoi. Je veux dire, donc, il y a les médiathèques, appelons-les comme ça, les points culture récemment, qui disparaissent, en fait. Voilà, il n'en reste plus, normalement, à partir de janvier 2024, mais tu vas me dire ça. J'ai entendu qu'il en resterait plus que deux, une à Bruxelles, une à Liège. et que maintenant, tous ces prêts-là, il faudrait passer par les bibliothèques, mais donc il faudrait commander. Voilà. Et toi qui travailles dans ce secteur, si tu pouvais un petit peu nous dire comment ça se fait qu'on en est arrivé là. Et aussi, évidemment, essaye de... comment dire ? Toi, tu travailles là-dedans, donc t'as un enjeu aussi bien particulier de c'est ton job. Il y a le job de tes collègues aussi. Comment ça se passe aussi au niveau du travail ? Donc voilà, plusieurs choses. Déjà, la première, c'est comment ça se fait qu'on en arrive à déglinguer tous ces points culture, toutes ces médiathèques. Voilà, il n'y a plus juste deux. Ça veut dire quoi ? Pourquoi ? Alors, on va essayer de remonter un peu en arrière parce que c'est important de contextualiser et d'expliquer bien les choses. Je vais essayer d'être clair et pas trop popote interne, justement, ou avec des mots que tout le monde va comprendre. Ben, en fait, la médiathèque, elle existe depuis les années 50. C'était la Discothèque Nationale, voilà. Et ça s'appelait comme ça ? Ça s'appelait comme ça, et puis ça a changé, ça s'appelait la médiathèque. Ouais. Et puis, la médiathèque a eu, à un moment, je crois, dans un des seuls centres, pour donner un exemple, dans un des seuls centres de Bruxelles, tout le monde s'en souvient, le passage 44, il y avait, alors c'était un peu la blague, il y avait 44 personnes qui travaillaient rien que dans ce centre-là. Alors il y avait ce qu'on appelle des petites mains, c'est-à-dire des étudiants et étudiantes qui venaient aider, mais c'était énorme. Donc c'est un gros, ça marchait bien la médiathèque. Tout le monde venait chercher son support pour aller écouter chez soi, pour découvrir la musique. Il y a plein de gens qui le nombre de gens qui m'ont dit qu'ils ont découvert la musique et le cinéma comme ça, c'est assez énorme. Oui, mais c'est important de rappeler. Enfin, moi, je connais très bien parce que la médiathèque, je passais aussi mon temps avant que le monde moderne arrive. C'est pas qu'il existe. Le monde moderne était déjà à cette époque-là. Hein, mais c'est, comment on dirait alors ? C'est un passage. Parce qu'il y en a qui vont entendre, écouter, ils vont dire ben voilà, c'est obligé, c'est la modernité. Moi, j'aimerais qu'ils comprennent que c'est pas que ça, quoi. Il y a d'autres enjeux qui sont beaucoup plus importants. Et donc, quand j'étais à la médiathèque, t'avais des espaces comme ça où c'était découvertes, où c'était des coups de cœur. Enfin, tu connais pas au départ et tu fais des découvertes, quoi. Voilà, des découvertes culturelles. En fait, ces lieux sont devenus, étaient des médiathèques, mais au fur et à mesure du temps, il y a eu une diminution de la venue des gens parce qu'il y a eu des nouvelles pratiques qui faisaient que l'accessibilité à la culture se faisait ailleurs, par exemple sur des plateformes de stream ou de manière sur support digital. Et donc de plus en plus, les gens sont de moins en moins venus. Donc le modèle, je vais parler un peu vulgairement, le modèle économique qui était quand même très important parce que c'est ça qui faisait vivre, pour rappeler que c'est une ASBL. Hein. La médiathèque est une ASBL ? Oui, tout à fait. Alors maintenant, elle est subventionnée à 90% par la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais au départ, il y a des années, enfin il y a presque 15-20 ans, le rapport du budget, si tu veux, c'était 80% de notre budget, c'était nos rentrées propres, et 20% c'était notre soutien extérieur. Aujourd'hui, on en est à 90%, c'est le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et 10% nos rentrées propres, même de moins en moins, c'est moins que 10% encore. Et quoi, ça veut dire en d'autres mots qu'en gros, c'était les gens qui faisaient vivre la médiathèque parce qu'ils venaient à la médiathèque ? C'était payant mais dérisoire en même temps. Hein. C'était dérisoire, mais il y avait beaucoup de monde qui venait. Du coup, ça faisait des super rentrées financières et ça faisait vivre le truc. Mais il y a un caractère, c'est pas que économique, là je parle d'économie, mais c'est un caractère social à la base. C'est ça l'idée, c'est d'avoir un accès à la culture. Il y avait les discobus, les gens qui pouvaient pas aller dans les médiathèques, les discobus venaient dans les villages, dans les villes pour venir faire connaître tout ce qu'on achetait, tout ce qu'on essayait de mettre en avant. Et ça, c'était quand même une période assez extraordinaire. Et tout ça, ça s'est un peu perdu parce que le remplaçant, entre guillemets, ça a été un peu... je caricature pas, mais c'est Internet, finalement, qui a supplanté un peu tout ça, puisqu'alors, il n'y avait plus besoin de se déplacer. Les gens croyaient qu'il n'y avait plus besoin de se déplacer pour pouvoir faire des découvertes. Après, il y a un paquet de gens qui continuaient à venir nous voir, justement, parce qu'ils se disaient qu'il y avait utilisais encore un terme pas beau, mais une plus-value en venant chez nous, c'était de se dire ben oui, mais c'est pas tout d'avoir dans la jungle d'Internet, d'avoir plein de choix possibles. Il faut que des gens puissent m'aiguiller, me faire connaître des choses ou me dire tiens, tu sais, tu devrais découvrir tel pan de musique ou tel cinéma qui n'est pas visible sur le net. Et ça, progressivement, les plateformes de stream ont pris quand même la place un peu de ça, et donc les gens progressivement ils venaient de moins en moins, donc il a fallu modifier nos missions parce qu'on est quand même un gros paquebot, donc c'est-à-dire c'est vraiment une vieille institution à la médiathèque, il y a beaucoup de gens qui travaillaient à la médiathèque, et donc on pouvait pas du jour au lendemain, aucun homme, aucune femme politique ne pouvait arriver et dire on met la clé sous la porte, on ferme, parce qu'il y avait trop de conséquences au niveau social, il y avait trop de conséquences de plans sociaux et tout ça. Donc ils l'ont fait, en fait, c'est la nouvelle donne aujourd'hui. Ils le font progressivement, en fait, ça se fait en quelques années. On dégraisse ce qu'on veut dire, c'est horrible hein, comme mot, on dégraisse, donc c'est-à-dire on fait des plans sociaux où les gens ne partent pas contre leur gré, ils partent, on leur demande qui veut partir, et il y a des gens qui partent dans de bonnes conditions, des conditions, je dis bien normales, mais des bonnes conditions. Et donc progressivement on est de moins en moins, mais le politique décide que finalement qu'est-ce qu'on fait avec la médiathèque puisqu'ils n'ont plus leur mission propre qui est de diffuser la musique comme avant, c'est-à-dire vraiment avec en plus un modèle économique, c'est-à-dire des gens qui viennent louer les choses. Donc ils se disent on va modifier un peu leur mission. Donc ils nous ont mis des missions qui sont tout à fait dans nos cordes, mais on a complètement changé en interne toutes nos pratiques. Il y a des gens qui étaient là depuis 30 ans dans la boîte quelquefois, et du jour au lendemain on leur disait maintenant c'est plus ton boulot d'être juste à ranger des disques, tu vas écrire ou tu vas parler de musique, etc. Et donc il y a des gens un peu, ça a été quand même un gros changement dans leur vie. Moi je suis arrivé en 2009, donc j'étais déjà un peu dans ce nouvel axe. Donc j'étais engagé pour ça, pour faire d'autres missions que simplement acheter les disques, ce qu'on fait encore aujourd'hui. Hein. Donc on achète les nouveautés encore aujourd'hui pour les mettre à disposition. Oui, mais tu ne fais pas qu'acheter des disques, tu as aussi un savoir-faire et une connaissance. Oui, nous, moi, mon truc, mon boulot, si tu veux, tu me demandais ce que je faisais. Moi, je me décris comme un passeur, donc je passe du savoir, entre guillemets, alors que moi, je suis un autodidacte. Hein. Je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas, mais donc je passe du savoir, ou en tout cas mes connaissances, et surtout mon amour de la musique et du cinéma, vers le public, pour qu'eux aussi s'en saisissent et après le fassent connaître à d'autres gens. Tu vois, c'est ça mon idée de base. Donc être engagé à Point Culture, ça faisait sens pour ça. Et je continue à faire ça encore aujourd'hui, j'y suis toujours. Mais alors ce qui a changé, c'est que, oui, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les enjeux? La Fédération Wallonie-Bruxelles, donc c'est eux qui sont notre pouvoir subsidiant. Tous les 5 ans, il y a un contrat programme. Et on a eu, moi depuis que je suis là, il y a eu le Fadil Alanan, donc qui était représentante socialiste. Elle a négocié un contrat programme avec nous de 5 ans. C'est toujours des contrats programmes de 5 ans, souvent dans le culturel. Mais comme on est une ASBL, c'est pas toujours évident. Le politique aimerait bien nous faire faire des choses, mais ça doit se discuter avec nous et avec notre direction et tout ça, qui est compréhensible évidemment. Ils savent très bien que le monde change et que donc ils doivent s'adapter. Mais le monde change pas autant que ce qu'on croit. Mais donc voilà, bref. Quand tu dis ça, c'est marrant. Ils doivent s'adapter, mais toi aussi quelque part. Ah oui, oui, complètement. On doit s'adapter, mais en même temps, moi, je suis encore sur des sujets où je pense que les droits culturels, c'est pas de dire on ferme des lieux. C'est pas de dire, on dit, voilà, il n'y a plus de point culture, il n'y a plus de centre point culture. Le point culture existe toujours en tant qu'entité, mais les centres disparaissent. Et il n'y a plus maintenant ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire de pouvoir aller fouiller dans les collections. Les gens viennent juste faire leurs commandes. Mais ça veut dire que c'est un appauvrissement de l'accès à la culture, quoi, qui est en train de se jouer. J'aimerais bien que tu expliques pourquoi. Parce que moi aussi, je le pressens comme ça, tu vois, bah, évidemment. Ouais. La situation, en fait, elle est simple, et elle est triste, et elle est assez... En fait, moi, j'ai compris au fur et à mesure du temps qu'on était là-dedans, c'est que la Fédération, donc c'est ça que j'expliquais, la Fédération Wallonie-Bruxelles étant notre pouvoir subsidiant, on a eu d'abord Madame Lanane, ensuite on a eu Madame Gréoli qui était donc du CDH des engagés, et maintenant on a Madame Linard qui est ministre de la Culture. Donc toutes ces personnes étaient ministres de la Culture, avec plein d'autres portefeuilles d'ailleurs, donc c'est pas toujours évident que ces personnes s'occupent à 100% de dossiers culturels. Ça, il faut dire aux gens, hein, c'est que la culture, c'est un peu le parent pauvre, même si ça représente, on te dira toujours, oui, mais ça représente 6% du budget de la Fédération de Wallonie-Bruxelles. Oui, mais enfin, bon... S'il y avait une personne qui s'occupait vraiment à temps plein de ça, ce serait quand même peut-être plus intéressant, même si on dit qu'il faut moins de ministres et tout ça. Enfin bon, là, je m'égare. Mais bref, ces personnes, elles dégraissent chaque contrat programme. On a moins de personnes qui travaillent, mais on nous met plus de missions à faire, de nouvelles missions. Un peu, on est un peu le pansement sur tous les problèmes du secteur culturel en disant « Ouais, Point Culture va régler ça. » Comme quoi, par exemple, qu'on comprenne. Ben, de faire du lien avec des partenaires, de faire du lien avec d'autres opérateurs culturels, de travailler avec le secteur des bibliothèques, de travailler avec le secteur de l'éducation. Alors, c'est des choses qui sont bien, mais à la base, nous, c'était pas notre travail. Notre travail, à la base, c'était d'acheter des disques, des DVD, et de les mettre en rayon, et de faire un peu d'animation autour. Là, maintenant, on nous dit de tisser des liens avec le tissu associatif, avec le tissu du secteur culturel. C'est nouveau, quoi. C'est, en termes de manière de travailler, c'est complètement neuf. On ne dit pas que ce n'est pas bien. On s'est tous mis dans le costume, on s'est tous adaptés à ça, mais à la fin, on ne veut pas non plus qu'on nous fasse... Tu vois, moi, je prends toujours la métaphore du gars avec ses 40 assiettes au cirque, là, tu vois, celui qui doit faire tourner 40 assiettes. Et à la fin, un peu, c'est ça. Il y a moins de gens qui travaillent, et on te dit, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et donc, à la fin, tu es avec tes 40 assiettes, et tu perds l'équilibre, et tu te casses la gueule. Donc, c'est un peu... Nous, c'était un peu ça, notre danger. C'est qu'à à force de nous mettre des missions différentes comme ça, à la fin... Les gens ne savaient plus ce que c'était, nos missions. Quand on dit, moi, quand je dis je travaille à Point Culture, les premières années, les gens, ils te regardent, ils disent... Donc, moi, je disais toujours, anciennement, la médiathèque. Et là, les gens disent, ah oui, ok, oui, là, je comprends. Je me souviens, je venais à la médiathèque avant, etc. Mais donc, c'est très compliqué d'expliquer nos missions, en fait, vers l'extérieur, parce que c'est assez flou, alors que pourtant, chez nous, on travaille vraiment sur tout ce qu'on nous demande de faire, mais à un moment, ça devenait de plus en plus... c'était un peu un fourre-tout, notre contrat programme, et il fallait, là-dedans, choisir un peu ce qu'on pouvait réellement faire. Et donc, les dernières années, donc c'est ça l'enjeu, le véritable enjeu, ce qui se passe. Moi, je l'ai compris tardivement, parce que je ne connais pas bien le système. Moi, je suis juste un citoyen, hein, donc je découvre un peu les arcanes politiques, syndicales, parce que moi, je suis représentant syndical 7K à mon travail. 7K, ça veut dire ? 7K, il y a la FGTB, et donc le 7K, c'est une entité liée à la FGTB. Et sinon, il y a la CNE, par exemple, on a aussi des représentants de CNE chez nous. Et on est un peu en front commun, donc on s'entend très très bien sur tous les sujets, il n'y a pas de grosse différence. Mais donc, l'enjeu, c'est quoi ? C'est la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dès que tu comprends ça, en fait, tu comprends tout. Fédération Wallonie-Bruxelles, elle est ce qu'on appelle exsangue. Donc ça veut dire elle n'est pas refinancée. Et ça fait des années que c'est comme ça. Parce qu'ils ont trop peur. S'ils disent « on voudrait être financé », c'est le grand moment que tout le monde attend du côté du nord du pays. Si tu dis « on n'a plus de fric, il faut absolument que vous refinanciez », les Flamands vont nous tomber dessus. Parce qu'il va y avoir... Refinancer la culture, tu veux dire ? Non, mais refinancer la Fédération Wallonie-Bruxelles. Parce que la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle fait avec le financement qu'elle a, si tu veux. Mais elle ne peut pas faire avec... Il y a de l'argent, etc. Il y a du financement. Mais chaque année, ils sont obligés de faire avec moins. Donc que font tous les partis politiques, quels qu'ils soient, hein, je tiens à préciser, c'est n'importe lesquels, bleu, rouge ou vert, ils arrivent tous avec des bonnes intentions quand ils arrivent dans leur ministère, quand ils viennent de gagner les élections, quoi, mais puis ils sont confrontés à ce qu'on appelle au réel. Et le réel, c'est, ah oui, mais finance, tu veux faire ça et tu veux faire ça, mais en fait, au niveau financier, tu n'as pas les moyens. Il ne faut pas oublier que la culture, c'est très compliqué, la culture aux fédérations Wallonie-Bruxelles, elle doit demander de l'argent au fédéral. Donc, et le fédéral est quelquefois pas le même parti. Donc, par exemple, c'est M. Géolet qui donne l'argent à Mme Linard quand elle en a besoin, etc. Et donc, il donne ce qu'il veut bien donner. Lui, c'est un MR. Elle, c'est une écolo. Donc, déjà, tu vois un peu le bazar. Et donc, en fait, chaque fois, ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle, moi, c'est le terme que je déteste, les économies d'échelle. Donc, c'est-à-dire, ils vont diminuer l'argent alloué à la culture. Et... Donc, nous, on est tributaires de ça, c'est-à-dire qu'on va avoir des plans sociaux, parce qu'ils disent « Ah non, mais désolé, dans votre prochain contrat programme, on ne peut pas vous donner autant que la dernière fois, parce que nous, c'est pas possible. » Et donc, ils nous donnent moins, ils nous demandent de faire des plans Renault, c'est ce qui s'est passé quand même l'année dernière. Hein. Donc, on a fait un plan Renault avec des personnes qui partent, on leur demande, on dit « Qui veut partir ?» Donc, il n'y a personne qui part contre son gré, il n'y a personne qui est licencié contre son gré, mais moi, j'appelle ça une espèce de... Enfin, ça se passe dans de bonnes conditions, mais d'une certaine manière, on diminue la force de ce que c'était avant, quoi, en faisant ça. C'est-à-dire qu'on donne moins de moyens. Il n'y a aucun politique, que ce soit Mme Linard, que ce soit Mme Lannan, que ce soit Mme Gréoli, qui a le courage de dire « Moi, je pense que c'est important de remettre de l'argent en plus là-dedans et de bien l'utiliser pour continuer à avoir des centres. » Des médiathèques, tu veux dire ? Médiathèques, mais cette bataille-là, nous, on l'a perdue. C'est-à-dire qu'on a gagné quand Mme Gréoli, quand Mme Linard est arrivée et que Mme Linard a dit OK à toutes nos revendications. Nous, on voulait garder des lieux à ce moment-là, parce que Mme Gréoli, elle voulait déjà faire disparaître ces lieux. Elle disait non, il faut des espaces, ça allait des espaces de coworking. C'était ça l'idée, quoi. Donc des espaces vides avec des gens avec des ordis. Alors ça existe déjà ailleurs, il n'y a pas besoin, quoi. Nous, on avait des lieux de vie, des lieux où il y a des événements, des lieux où il y a des conférences, des lieux où il y a des gens qui viennent tous les jours. Il faut voir le point culturel ULB, il faut aller mettre ton micro là-bas, voir tout ce que ça implique. Tous les gens qui viennent, ce n'est pas en plus des arriérés, des gens qui ne seraient pas sur Internet ou ne seraient pas sur les plateformes de stream. C'est des gens qui savent que nous, on a une plus-value, que nous, on ajoute quelque chose. Mais bon, ces gens-là, voilà, on leur diminue l'accès. Donc à la fin, ils ne viennent plus, ils viennent de moins en moins, ils sont découragés, tu vois. Et donc, il ne reste plus que le point culture ULB parce que, donc, tu dis janvier 2024, mais en fait, c'est janvier 2023. Notre nouveau contrat programme se met en route. Donc là, maintenant, c'est mis en route. Et l'enjeu, on a signé pour dire on ferme tous les lieux. Parce que le politique a dit maintenant, on n'est plus là pour avoir un lieu par région, un lieu par, voilà, par Liège, à Namur, à Charleroi, dans le Hainaut, enfin dans dans le Luxembourg, etc. C'est fini. Et donc on ferme tous les lieux. Et tous les lieux ont fermé. On nous a juste dit, vous pouvez peut-être garder deux lieux, un à Liège, un à Bruxelles, comme tu as dit. Mais nous, on a pu garder l'ULB. Alors pourquoi on a pu garder l'ULB ? Je vais essayer d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc l'ULB, quand on leur dit, bah voilà, 1er janvier 2023, on s'en va, on va voir les gens de l'ULB, parce qu'on est quand même ancré sur le campus, on est sur le campus du Solbosch. C'est le ULB Culture qui appartient le lieu, ULB Culture qui est une entité dans l'Université libre de Bruxelles. Et on leur dit, voilà, 1er janvier, on s'en va. Ils ont dit, ah non, mais c'est pas possible, vous pouvez pas vous en aller maintenant, parce qu'on n'a rien pour mettre à la place. Alors, il faut qu'on réfléchisse ensemble à mettre un lieu qui serait encore un lieu culturel. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire ça ? Donc, notre nouvelle directrice qui arrive, elle se met un peu en porte-à-faux avec le contrat programme, et elle dit, ok. Dire, ok, on va signer pour 6 mois une convention qui nous lie et qui fait que... Et alors, ça va être 6 mois, puis 6 mois de nouveau. Ben voilà. Mais David, sinon, on rentre dans le cœur du sujet, et je t'avoue, j'imagine bien qu'il y a des enjeux, des conflits, des rapports de force, mais... Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de comprendre que, en fait, la culture, mais ça, on le savait, la culture, politiquement, mais c'est pas que dans notre pays. Hein, c'est pas que dans notre pays, c'est un peu une volonté comme ça, comment je dirais, européenne, mais pas que européenne. Comment on dirait ça ? C'est une politique qui est menée pour saper la culture, pour saper dans le social. On est en plein dedans, en fait, maintenant. Pour essayer, il y a de l'argent là, et donc on essaye de dégraisser, on essaye de... C'est ça, en fait, l'idée. Moi, je vais te donner un exemple. Moi, ça m'a ouvert les yeux à fond. Je ne sais plus, il y a un homme politique anglais du parti conservateur, je crois, plutôt jeune, enfin, peu importe, je ne sais plus son nom. Pendant le confinement, pendant le Covid, le mec, en fait, il a dit un truc que normalement, on ne dit jamais dans le monde politique. Et il a dit un truc un peu sincère, mais horrible, en fait. C'était au moment, tu sais, où il y avait plein de questionnements dans la culture. On disait, est-ce que les lieux vont pouvoir avoir de l'argent malgré qu'ils sont fermés et tout ça. Donc il y avait un peu, tu te souviens, pour se remettre dans le contexte, c'était... Les gens se demandaient à quelle sauce ils allaient être mangés, s'il allait y avoir de l'argent pour les aider. Et donc c'était un peu... On ne savait pas trop. Et en Angleterre, il y avait plein de lieux qui étaient au taquet, qui disaient, bon, il faut nous aider et tout ça. Donc on en était là. Il n'y avait pas encore l'argent. Il y a eu l'argent. Et puis alors, cet homme politique-là... Quelqu'un lui dit « Non, mais là, il y a plein de gens, ils sont dans la dèche, ça va pas du tout, ils sont en train de perdre leur job, qu'est-ce que vous allez faire ?» Et le type, sans filtre, tout d'un coup, il dit « Ah, mais quoi, les gens, ils ont pas compris, faut changer de métier, il faut faire autre chose. Hein. » Et les gens doivent plus continuer à travailler dans la culture, ils doivent choisir autre chose, quoi. C'était un peu un type, à mon avis, on a dû le recadrer après en disant, mais t'es fou, tu peux pas dire un truc pareil. Mais en fait, c'est un peu, alors je vais pas dans la caricature, mais c'est un peu ça qui se passe. D'ailleurs, dans le milieu culturel, moi j'ai plein d'amis qui ont plus ou moins changé, qui ont dû changer de métier, parce qu'effectivement, c'est de plus en plus difficile de tenir des lieux, c'est de plus en plus difficile d'avoir du monde dans ces lieux, de faire tourner tout ça. Et donc les gens, à la fin, ils disent, bah, moi, je dois nourrir ma famille, je sais pas, donc ou vivre tout simplement, et donc je change de métier. Et en fait, cet Anglais, d'une certaine manière, il a dit un peu quel était le plan. Je caricature un peu, parce que je pense que dans le milieu, il y a encore des gens qui veulent évidemment que le secteur culturel continue à subsister. Dans quel milieu tu parles, là ? Soyons dans le concret. Écoute, dans le milieu politique, donc je reviens... On casse des verres, là, et on est au petit matin. Hein. Non, pas au petit matin. Non, mais je reviens au sujet. Si tu as quelqu'un, même, qui a des envies... Tu vois, Mme Linard, elle est venue avec plein de bonnes intentions. Si à un moment on lui dit, je vais chaque fois revenir là-dessus, si chaque fois on lui dit, mais tu sais, t'as plein d'idées, mais t'as pas l'argent. Donc tu vas faire comme les autres. Tu vas diminuer et tu seras vu. Moi, on m'a dit, hein, quand tu viens et que tu dis, j'ai réussi à dégraisser tel truc et on va donner moins d'argent à telle entité, mais t'es vu, on m'a dit, au Parlement, t'es vu comme un héros. T'es vu comme un héros parce que t'as réussi à faire qu'on gagne un peu de budget quelque part. Mais les gens oublient que derrière, c'est tout un pan, c'est pas juste avoir fait des économies à la con, c'est vraiment... C'est des humains, quoi, c'est des humains, c'est des valeurs, c'est des... Valeurs, oui, c'est l'accès à la culture, quoi. Et moi, j'ai vu, donc, au Parlement wallon, des gens, moi, je vais le citer, hein, des types, un écolo, Pierre-Yves Lux, il s'appelle, donc c'est un... Moi, je le connaissais pas, c'est un député écolo, mais il a dit des choses, mais affreuses, parce qu'évidemment, comme ils doivent faire le sale boulot, tout d'un coup, dire, on va diminuer, alors ils viennent avec... de l'idéologie en disant « Oui, mais vous savez, tout ça, c'est un peu fini, les gens, ils viennent plus dans les lieux, c'est comme ça, c'est comme les feuilles des arbres qui tombent, etc. » C'est vraiment ça hein, qui est dit, hein. C'est dit texto. Hein. Et c'est pas des libéraux, c'est pas, faut pas croire, tout n'est pas figé comme gauche-droite, c'est vraiment, il faut faire le sale travail, donc ils vont dire un peu, on leur dit « Vas-y, hein, envoie du lourd, dis que, etc. » Peut-être même ces gens-là, ils sont convaincus de ce qu'ils disent, hein, ce serait encore pire. Moi, j'essaye toujours d'excuser les gens, alors qu'en fait, je pense qu'on est face à des gens qui juste ne connaissent pas, en fait, le truc. Et monsieur, oui, mais il pourrait s'entourer de gens qui connaissent, justement, alors, tu vois. Nous, à un moment, on a été approchés et, par les gens du PTB. Il y avait Amandine Pavet, qui est une députée, une jeune députée PTB. Et c'est la seule qui s'est saisie des sujets qu'on voulait défendre, donc de ce truc de garder des lieux dans chaque région, etc., pour que les gens puissent continuer à vivre, même continuer à venir, même si c'est plus venir, un modèle économique. T'as vu le... Ouais. C'est un peu les deux, hein. Ah oui, c'est ça, continuer à... Parce qu'il faut que ça puisse... Ces lieux-là, pourquoi est-ce que les bibliothèques continuent à être là? Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait plus y avoir des lieux où il y a ce qu'on fait actuellement? C'est-à-dire, effectivement, encore un pôle avec des collections, les gens viennent fouiller, mais aussi plein d'autres activités à côté. On ne défend pas un modèle qui serait un modèle d'il y a 30 ans, on défend un modèle qui a évolué, qui a su évoluer, mais là, on nous dit non, il n'y a plus l'argent pour ça, vous fermez, point barre. Et vous allez juste devenir un opérateur qui va aider le secteur des bibliothèques, qui va aider les autres opérateurs culturels sur les sujets du cinéma et de la musique. Ok, très bien, mais nous, on veut garder des lieux, parce que c'est ça, le côté humain, c'est ça, en fait. Il y a des gens qui viennent chez nous, c'est ou bien des étudiants, il y a des gens qui s'inscrivaient encore ces derniers mois, des étudiants et étudiantes qui sont passionnés de cinéma et de musique. Donc, c'est pas des gens qui sont largués au niveau de ce qui se passe dans les nouvelles pratiques. C'est juste Oui, mais c'est ce qu'on veut nous faire croire, c'est ça qui est... Ces gens-là, Pierre-Yves Lux ou Olivier Marois aussi du MR qui a dit des choses épouvantables. Moi, je l'ai vu au Parlement, donc c'est filmé. Hein, ça. Il faut que les gens aillent voir quelquefois ce qu'on fait avec leur bulletin de vote. Dans ces questions-là, je sais que c'est quelquefois chiant et rébarbatif. Ça dure quelquefois 4 heures de questions, mais c'est intéressant parce que c'est là qu'on voit, on entend ce qu'on dit de nous, ce qu'on dit du citoyen et de la citoyenne. Alors, je ne dis pas que tout le monde est affreux, mais sur ce sujet-là, c'était vraiment lamentable. Olivier Marois, donc député MR, ancien journaliste de la RTB, il levait, en même temps qu'il disait des trucs affreux, il levait son ordi et il disait « Regardez, hein, tout est là-dessus. Hein. » Tout est là-dessus. Tout est. Bah, y a pas à avoir des lieux pour lui. Il disait « Tout est sur l'ordi. » Quoi. Mais non. Ah oui. Et ça, c'est des représentants du peuple, tu vois. C'est des gens qui sont élus et tout ça. Et ce type-là, il faisait aucun travail, d'ailleurs, de député. Moi, je le dis ouvertement, il reprenait des articles de presse. Et les questions qu'il posait, c'était juste ce qu'il avait lu dans la presse, etc., écrit par certains journalistes. Qui effectivement ne se saisissent pas suffisamment de ces questions. Il y en a un au soir qui le faisait, mais c'était vraiment pas génial, qui le fait depuis des années. Et donc Olivier Marois, il relit juste, alors que moi, j'ai regardé, le CDH, donc les engagés ou d'autres, on voyait qu'il y avait un vrai travail parlementaire, qu'ils essayaient quand même de comprendre ce sujet, de comprendre ce qui se passait et tout ça. Mais il n'empêche que chaque fois, c'était de dire, oui, voilà, c'est comme ça, c'est terminé. Et les seuls qui se sont saisis à un moment du truc, alors peut-être par opportunisme, mais ça, je m'en fous, moi, un politique, il est là pour finalement, si quelqu'un va dans le sens de mes idées, ben, je vais quand même je vais aller vers lui. Et donc, le PTB, ben, c'était vraiment, je crois, sincère de la part d'Amandine. Elle voulait se saisir des questions. Mais alors, ce que j'ai découvert du PTB, c'est qu'au Parlement, ils sont complètement très mal traités, très mal considérés, parce qu'on voit en eux le PTB et tout le côté un peu folklorique de Beau et tout ça. Donc, un côté un peu, vous êtes des démagos, vous racontez n'importe quoi. Et donc, on les écoute même pas au Parlement. Moi, j'ai vu ça, Amandine, elle défendait des positions qui étaient tout à fait claires, qu'on avait un petit peu travaillé avec elle d'ailleurs, hein. Elle nous a demandé des informations, donc elle n'était pas dans la démagogie, elle était dans des sujets réels, ce qu'on parle là, avec ce que je parle de là avec toi depuis quelques minutes, et Et on les écoute pas, ils sont déconsidérés, des Matteo Segers et autres décolos qui leur disent « Ouais, bon, arrêtez avec vos trucs, vous êtes à la rue, vous comprenez rien, etc. » Il y a un truc condescendant avec le PDB. Donc, ils sont inaudibles. Bah, à un moment, Amandine, elle se bat contre des moulins. Et je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit « Écoute, t'es bien courageuse de continuer à faire ça parce que c'est vraiment un boulot ingrat et tout ça. » Alors, elle m'a expliqué qu'au PDB, elle était en plus à se battre pour que ces questions-là soient mises en avant, parce qu'ils en sont encore, visiblement, au PTB, à croire que le culturel, c'est un truc de nantis, que c'est un truc, les gens qui vont à l'opéra ou aux musiques classiques, etc. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, vous devez... Oh bah c'est quoi, alors ? Ah bah, vous devez vous saisir, je lui dis, vous avez un boulevard devant vous, vous devez vous saisir des vraies questions, vous avez la précarité des artistes, vous avez l'accès à la culture... il y a plein de sujets, tous les autres partis sont plus là-dessus parce qu'ils sont dans le, c'est eux qui s'occupent du truc, donc ils vont pas insuffler de nouvelles, de nouvelles idées pour défendre cet accès à la culture, ils vont plus le faire. Les socialistes, c'est eux qui ont créé le bachin, le système pour la culture, c'est eux qui ont finalement fait les politiques culturelles. Écolo, ils veulent être dans la roue des socialistes. Le CDH, c'est pareil. Le MR n'est pas vraiment hyper au taquet sur ces questions. Donc, je dis, PTB, vous avez un boulevard. Et c'est des questions sociales qui vous intéressent normalement. Sauf qu'elle me dit, ben ouais, mais nous, on débarque. Et on doit changer une mentalité, même au PTB, parce que ces questions-là n'intéressent pas grand monde. Donc voilà, j'ai dit du mal presque de tout le monde. Mais au moins, Amandine, elle portait nos revendications, mais elle était inaudible au Parlement. Et on voyait des Pierre-Yves Lux et des Olivier Marois dire vraiment, je le dis ouvertement, dire de la merde. Moi, j'ai voté écolo dans ma vie, je le dis là ouvertement. Je vote ça arrive, par... Ça arrive à tout le monde. Mais je vote, moi j'appelle ça, moi je ne crois pas au système politique, je vote parce que voilà, il faut voter, et que je vote entre guillemets pour ce que je considère être comme le moins pire. Mais moi maintenant, ces dernières années, j'ai juste une envie, c'est de... Moi je crois plus en système associatif, je crois plus à la lutte... Tu vois, je dis toujours penser globalement, agir localement. Donc tu dois, je pense, les gens, c'est ça qu'ils devraient faire. Pardon, je digresse, mais c'est vraiment agir sur des choses en local, sans le politique. Et à un moment, si on arrive avec des choses concrètes, on peut arriver devant le politique et dire bon, maintenant, vous devez mettre de l'argent là-dessus. Mais tu peux fonctionner sans. Le Nova, d'ailleurs, en est une preuve. Hein, ils n'ont jamais fonctionné avec aucun subside ou très très peu. Eh ben, c'est peut-être ça qui les a sauvés, parce qu'ils ont réussi à fonctionner par eux-mêmes. C'est compliqué, c'est un machin complètement ouf, mais voilà, c'est ce qui les a sauvés, à mon avis, par rapport à d'autres lieux culturels qui ont fermé parce qu'ils étaient liés à des subsides. Tu vois, c'est beaucoup plus. Moi, je pense que ça peut être sécurisant d'avoir des subsides, mais moi, je pense que ça peut être aussi beaucoup plus dangereux, parce que du jour au lendemain, tu peux tout perdre parce qu'il y a un parti qui a décidé de. Évidemment, on le sait tous, ça. Et donc le Nova, ils ont une belle... Bon, après, c'est rare, un système comme le Nova, et que c'est plus comme ça continuer. Mais donc, voilà, aujourd'hui, les lieux ferment. Et donc, il y a plein de gens, les gens qui viennent à l'ULB, ils nous disent, mais comment on va faire ? Comment on va faire ? Alors, on nous dit, Comment on va faire quoi, exactement ? Pour qu'on comprenne bien le truc. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ça veut dire quoi ? Si tu pouvais approfondir un peu cette zone-là, quoi, parce que... Oui, parce que là, j'ai parlé beaucoup d'institutions et tout ça. C'est normal, c'est très politique, c'est une histoire politique encore. Les gens comprennent un peu les tenants et les aboutissants. Je vous invite à lire un article que Gwenaël Brez-Dunova a écrit pendant notre crise là, qu'on a eue. C'était dans Alter Echo. Il a écrit un super article, si vous avez le temps d'aller lire ça. Comme ça, si vous n'avez pas compris la moitié de ce que j'ai dit, parce que les gens... C'est normal, dans la radio, on prend des bribes et on ne peut pas tout comprendre. Je pourrais la lire en intro de notre entreprise. Alors, il y a sûrement des petites choses qui ont changé, mais vraiment, cet article faisait une belle... En plus, c'était neutre, c'est-à-dire Gwenaël, bon, il était un peu orienté vers nous, c'est sûr, mais il essayait que l'article soit vraiment une photographie des tenants et des aboutissants et tout ça. Alors oui, qu'est-ce que vont faire les gens ? Mais ils nous disent, parce qu'ils veulent continuer à pouvoir fouiller dans nos rayons, à pouvoir découvrir des choses, à venir à nos activités. Et il y a tous les âges sont représentés. Tout. Et ces gens-là, ils disent, mais quoi ? Demain, je fais quoi ? Demain, je fais quoi ? Et donc, on leur dit, il y a le réseau des bibliothèques. Alors, l'enjeu, puisque c'est ça aussi, c'est pour ça que la ministre, elle n'a pas avalé son chapeau, c'est qu'elle a réussi à sauver nos collections et sauver notre paquebot en disant, les collections, elles sont sauvées, elles vont être accessibles dans le réseau des 500 bibliothèques du réseau Samarcande, donc le réseau des bibliothèques de la lecture publique en Belgique. Alors, OK, sur le papier, c'est très joli, mais le problème, c'est qu'alors, les gens, ils vont juste aller à des... comptoir de prêt, retirer les disques qu'ils auront juste commandés, mais ils pourront plus fouiller. Alors on va essayer quand même, notre directrice, heureusement, elle essaye d'insuffler quelque chose de neuf là-dedans, et on va essayer qu'il y ait quand même dans des bibliothèques des lieux où on pourrait fouiller un peu, mais ça va quand même rester compliqué. Mais donc les gens vont aller dans ce système qui est hyper lent. Alors c'est pas c'est pas une critique sur le réseau des bibliothèques, c'est un réseau qui fonctionne pas aussi efficacement que ce que nous on faisait, parce que nous on avait moins de lieux et donc c'était plus facile à gérer, et nous ça allait plus vite. Les gens commandent un truc le vendredi, l'ont le mardi, tu vois, mais dans le réseau des bibliothèques c'est autre chose. Chaque temporalité est différente au niveau des bibliothèques, donc c'est hyper complexe. Et donc on arrive là-dedans, et donc les gens ils voient, les gens qui savent qu'on va fermer, ils disent tiens je vais tester comment ça marche dans les bibliothèques, ils disent ça prend des plombes, et donc ils sont découragés. Et c'est pour ça que des Pierre-Yves Lux et des Olivier Marois, en fait, idéologiquement, ils sont gagnants, parce que d'une certaine manière, ils cherchent ça, à décourager le citoyen, la citoyenne. Mais évidemment. Ils cherchent à ce que les citoyens, citoyennes, à la fin, ils craquent et ils vont faire que aller sur les plateformes. Il y a des choses très très bien à les prendre sur les plateformes, mais c'est hyper réducteur par rapport à l'offre. Oui, c'est ça que j'avais aussi envie d'aborder un peu, c'est-à-dire que on va plus trouver déjà. Enfin, c'est énorme, quoi. Si tu pouvais bien expliquer l'enjeu aussi par rapport à la richesse de la culture, l'alternative, les films à petit budget. Enfin, tu vois tout. Enfin, c'est aussi mettre en place la grosse machine, quoi, le divertissement gros gras. Enfin, je sais pas comment le dire. C'est aussi perdre un peu toutes les petites pépites, quoi. Alors peut-être j'exagère, mais moi je pense que il y a cette idée-là aussi, c'est de perdre notre mémoire, quoi, notre mémoire culturelle. Alors, c'est ça, je disais, la ministre, elle a pas perdu au change là-dessus, et nous, on a été gagnants, c'est qu'elle préserve les collections. Ça, c'est OK. On n'en fait pas des nouvelles, alors. On préserve. Si, on préserve, mais alors oui, on a gagné pour dire qu'il faut un budget chaque année pour continuer à l'alimenter. Donc, on a chaque personne qui s'occupe de chaque collection chez nous à continuer à avoir un budget. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais le problème, c'est que ces collections-là, elles sont invisibilisées, puisque s'il n'y a plus de lieu pour les... Parce que c'est bien beau d'avoir... Par exemple, je te donne un exemple. On a des beaux coffrets d'un label des années 90 qui s'appelle Beer Family. C'est vraiment c'est la Rolls... des coffrets avec des magnifiques livrets, etc. Mais moi, je sais que ça existe. Des livrets de quoi ? Des livrets qui expliquent, par exemple, la musique hawaïenne, ou qui expliquent la musique blues, et qui expliquent des pans de musique entre les années 20 et les années 30, par exemple. C'est un exemple de coffret qu'il pourrait y avoir. Mais moi, je le sais qu'il y a ces coffrets. Mais si une personne est derrière son ordi et ne sait pas que ça existe, comment elle va le taper sur Internet et dire « Je cherche un coffret Beer Family » Elle ne va jamais le taper, parce qu'elle ne connaît pas l'existence du truc. Donc en fait, si tu ne montres pas ces collections à un moment quelque part, ou en tout cas que tu ne dis pas « Toi, vous savez, on a ça, et vous savez, il y a... Bah, » les gens vont... ça va des choses qui vont se perdre. Évidemment. Donc, alors, la collection, elle reste là. Heureusement, elle est préservée. Ça a été quand même un énorme enjeu. Et ça, c'est une grosse victoire. Donc si tu veux commander tout ce que tu veux, tu peux le faire. Mais ça va arriver lentement, et il faut que tu connaisses les trucs pour les avoir. Donc c'est quand même un truc, on perd énormément. Et c'est ça qu'on essayait d'expliquer à des gens comme Pierre-Yves Lux ou Olivier Marois, je les recite. Bah, ils s'en foutent, je crois. Sinon, ils s'entouraient de gens comme toi, des gens qui peuvent expliquer les choses. Alors attends, parce que des gens comme Matteo Seguers, ils sont taqués sur ces questions, sauf que, je t'ai expliqué l'enjeu tout à l'heure, eux, c'est plus du tout un enjeu de société, c'est un enjeu de réussir à faire moins, avec moins de moyens, plus ou moins la même chose, et en supprimant si possible une partie des gens, et donc de renier les droits culturels du citoyen. Parce que ça, je voudrais le dire au micro, les droits culturels, c'est à toi, c'est à moi. C'est quoi les droits culturels ? Les droits culturels, c'est ce à quoi le citoyen peut prétendre et doit prétendre au niveau de l'accès au savoir, de l'accès à... Voilà, c'est des choses sur lesquelles le politique est censé te donner du change là-dessus. Mais aujourd'hui, le politique fait juste que s'asseoir sur les droits culturels. Et comme il n'y a personne ou très peu de monde qui se saisissent de ces questions au niveau journalistique, au niveau social aussi, il y a vraiment peu de gens. Si je te dis qu'il n'y a que le PTB qui s'est intéressé à notre sujet à la fin, c'est vraiment parce que tous les autres partis savent que que ça ne sert à rien d'aller sur nos revendications, parce que de toute façon, ils vont être perdants, eux, politiciens. Donc en fait, finalement, je le dis aux gens, ressaisissez-vous de ces questions. Là, on parle de politique. Là, on parle de politique, mais il y a même les journaux. Moi, j'ai un petit peu tapé, j'ai pas fait une grande recherche, hein, mais il n'y a pas énormément de choses qui se disent sur cette culture et ces médiathèques qui disparaissent. Hein. Non. Bah, à la fin, on avait un journaliste, mais parce que c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est question culturelle au soir, c'est Alain Lallemand. Moi, je le dis ouvertement, bah, c'est un journaliste pour moi qui fait... Alors, il a un pédigré incroyable. Moi, j'ai été regarder à un moment, je lui ai dit, mais d'où il vient, ce gars ? Et donc, c'est un journaliste qui a été journaliste de terrain, qui a été journaliste à l'étranger, sur des... Je crois des... des endroits de guerre, etc. Donc, total respect à ce monsieur. Mais moi, je regarde ce qu'il fait aujourd'hui, quoi. Et ce monsieur, bah, il passe les plats à l'institutionnel. C'est-à-dire, c'est vraiment le gars, je crois, dès qu'il a une info dans les cabinets ministériels, il la divulgue dans la presse parce qu'il a appelé un tel, qui s'est accordé avec un tel. Il fait la même chose, il faisait la même chose à Point Culture. Et donc, en fait, ce type n'insufflait finalement que la parole politicienne sur ce que le politique voulait faire de la culture. Et, mais il ne fait pas le travail d'aller nous voir. Nous, Alain Lallemand, il n'est jamais venu nous voir pendant les crises qu'il y a eu, crise sociale, crise d'idéologie sur, sur tout ce dont je parle ici. Il n'est jamais venu nous voir. Donc ce n'est pas un travail journalistique, déontologiquement, c'est le néant total pour moi. Et il n'y a que lui, en fait. Il y a presque que lui, je crois, dans les journaux belges. Donc c'est quelqu'un quand même qui connaît le secteur. Hein, moi, je ne vais pas nier ça. Mais ce qu'il insuffle, c'est juste proche du néant. Et donc c'est pour ça qu'on a pu, heureusement, se référer à des personnes comme Gwenaël Brice, mais qui lui, n'est pas, c'est pas son job d'être journaliste. C'est juste qu'il écrit dans l'Alter Echo et qu'il a des avis sur ces questions-là et qu'il a envie de les porter, mais à la base, sinon, il n'y a personne, effectivement, qui saisit ça. Et donc, moi, je redis aux gens, parce que tu dis, c'est politique. Moi, je ne crois pas au système politique, c'est vrai, mais moi, je crois aux citoyens, et le citoyen peut se saisir de ces questions. Quand on a réussi à retourner la table entre Mme Gréoli et Mme Linard, on avait une pétition de 14 000 signatures. Eh bien, ça, un politique, il va le regarder. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est des bulletins de vote, en fait. Et donc, non, mais c'est tout con. S'ils ont ça... Alors là, ils vont t'écouter et ils vont peut-être aller même dans le sens de ce que tu veux. C'est ce qui s'est passé avec Mme Linard. Elle s'est saisie de ça en se disant, ben là, je vais pouvoir mettre ma touche dans le dossier culturel un peu grâce à Point Culture. Je ne dis pas qu'elle s'était cynique, mais elle s'est servie peut-être un peu du sujet de Point Culture pour pouvoir faire sa popote et prouver qu'il y avait vraiment un cachet écolo sur le sujet. Mais après, elle a quand même fait comme les autres. Elle a fait comme Mme Gréoli, elle a fait comme Mme Lanane, c'est-à-dire il faut diminuer les budgets, je vais être vu comme un héros si j'arrive à diminuer les budgets, les subventions, etc. à ces lieux. Donc en fait, le citoyen est perdant sur toute la ligne. Et donc le citoyen doit se ressaisir de ces questions. Il peut le faire. Il est trop tard. Ah non, pas du tout. Moi, je crois. Alors ça, c'est mon grand problème. C'est que je suis peut-être un pessimiste optimiste comme ça. C'est que moi, j'y crois toujours. Je veux pas croire que c'est mort, parce que en fait, c'est un peu mon moteur. Moi, je crois toujours que c'est possible qu'il y ait un courage politique derrière et que des gens se saisissent de ces questions, même au niveau méta, comme on dit. Donc que ces gens-là, à un moment, on arrive aux élections, bah, disent OK, moi. Je pense qu'il est toujours important de mettre une subvention derrière des lieux de vie au niveau de différentes régions, à Liège, à Charleroi. S'il y a un politique qui fait ça, eh ben oui, là, je me dirais, OK, il y a quelqu'un qui se saisit vraiment de ces questions. Mais ils sont tous juste dans, je sais pas, une gestion à petit niveau d'un budget qu'ils ont, en se disant, tu vas être vu comme un héros si tu diminues les budgets. Et donc, comment tu veux que ça fonctionne, en fait ? Et vraiment, c'est bleu, vert, rouge, tout ce que tu veux. Ils ont tous plus ou moins la même... dès qu'ils arrivent aux affaires, ils doivent se ranger derrière ce truc-là. Mais c'est fragilisé à mort. Donc c'est fragilisé et on s'assoit vraiment sur les droits culturels. Donc moi, je crois que le citoyen doit pouvoir. Mais c'est tellement compliqué. Les gens, ils ont d'autres. Sujet dans la vie, peut-être que ça. Mais pourtant, j'ai envie de leur dire, mais ça est un sujet. Il n'y a pas que la santé, l'éducation, la justice, on va dire. Il y a le culturel. Justement, c'est la culture. Waouh, c'est un peu le. Le petit bazar dans le fin fond, les gens ce qui sont plus intéressés à manger, à se chauffer, tu vois ce que je veux dire, la culture c'est loin, il faut déjà être bien dans sa vie pour penser à la culture. Ouais, mais, sauf qu'avant je pense que c'était pas le cas, avant je pense que ça, parce que peut-être qu'on avait moins de difficultés, je pense pas, mais en tout cas il y avait peut-être... Aujourd'hui, pourquoi les sujets de bouffer et de pouvoir faire manger pour leur loger ouais, pourquoi c'est devenu plus crucial ? Ben parce qu'on sent aussi que de ce côté-là, on a moins de moyens. Donc évidemment que les priorités vont changer, que les gens vont être plus sûrs. Évidemment que c'est normal. J'ai plus besoin de nourrir mes enfants et ma famille que de me poser mille et une questions sur ce qui se passe dans le secteur culturel auquel d'ailleurs je ne comprends pas tout. C'est ça. Et moi, je dirais un des enjeux aussi pour que le culturel se fasse peut-être mieux entendre du citoyen. Mais ça, alors là, je prêche dans le désert parce que je crains que ça ne fonctionnera jamais. C'est, là, moi, je crois toujours en ce truc de la convergence des luttes, tu vois, c'est le grand truc. Il y a plein de gens qui sont sur du militantisme à droite, à gauche, mais sur des sujets complètement différents. Mais à un moment, il faut croiser, quoi. Il faut se croiser tous ensemble et faire un, tu vois. Mais le problème, c'est que, par exemple, dans le culturel, si je te prends la salle, je sais pas moi, le lac, par exemple, et que je te prends la monnaie, le cadre de la monnaie, Pourquoi les gens qui ne connaissent pas, donc le lac, c'est hyper alternatif. Ouais, petit lieu autogéré et la monnaie, bon. Et la monnaie reçoit beaucoup de budget, etc. Mais les deux font partie du secteur culturel. Comment tu veux mettre les gens du Lac et les gens du théâtre de la Monnaie sur autour d'une même table avec... Alors, c'est pas que peut-être les gens des deux vont être de bonne composition et vouloir discuter ensemble, mais leur réalité de terrain n'ont rien à voir. Donc, comment tu veux... En fait, c'est ça l'enjeu. C'est si tu arrives à ce que tout le monde, à un moment, ben, je sais pas, un cahier de revendications... clair entre tout le monde qui fait qu'on pourrait dire maintenant le politique, on arrive avec un carnet de revendications et vous devez faire ça. Mais le problème, c'est qu'on est tellement tous apeurés, chacun dans son coin, de perdre son subside, de pouvoir payer ses employés, de pouvoir continuer à faire subsister des lieux, que les gens, en fait, ils regardent pas de façon méta, ils regardent juste, c'est humain, hein, ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire que les gens ont un petit raisonnement. Je dis juste, c'est humain de regarder si son propre lieu va pouvoir subsister et pas regarder les choses de façon méta. Mais pour moi, c'est l'enjeu. Il faut regarder les choses de façon méta. Parce que sinon, on ne s'en sortira jamais. Ben alors parce là, que... je ne sais pas, parce qu'il y a des... Il faut peut-être attendre que ce soit encore plus la crise pour que les gens se disent « Ah ben, on se met tous ensemble ». Non, parce que moi, ma grande-peur, et là, je te rejoins peut-être. Enfin, je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire, mais... À un moment, les trucs, ils auront disparu, quoi, tu vois. Donc, par exemple, l'accès à la culture. Si dans 3 ans, on dit, vous savez, avant, il y avait des lieux culturels, il y avait des points culture et tout ça, les gens, c'est acquis, c'est perdu. Comment est-ce que tu veux de nouveau remettre de l'argent là-dedans? C'est terminé, en fait. Moi, c'est ça qui s'est passé le 1er janvier 2023. C'est que leur nouveau contrat programme, il scellait un peu ce truc-là. Moi, j'ai fait mon deuil, hein. J'ai fait mon deuil, j'ai dit, OK, il n'y aura plus de lieux. On va fermer, quoi. Donc, l'ULB, c'était un peu. Alors là, je voudrais juste parler 2 secondes de l'ULB, s'il y a encore un moyen. Parce que donc... Il reste, comme ça tu sais, allez, 10 minutes. Ok. Bah, donc l'ULB, parce qu'il faut revenir à ce qui s'est passé au point culture ULB. 1er janvier, normalement on doit fermer. L'ULB dit ok, non. 1er janvier 2023. 2023, ouais. On doit fermer, on dit ça à l'ULB. On a dit ça à tous les lieux. On a dit voilà, voici un renom sur notre bail, parce que c'est souvent loué, etc. Tous les lieux ont dit ok. Et l'ULB a dit ah, non, mais c'est pas possible. On peut pas perdre un lieu d'ancrage culturel sur le campus. Et donc, ils nous ont dit, il faut qu'on réfléchisse ensemble à pouvoir faire ce qu'on appelle un tiers-lieu. Donc, ça pourrait être un peu médiathèque, point culture, avec d'autres choses à côté. Okay. On dit, OK, super. Notre directrice dit, OK, parce que ça pourra faire une espèce en plus de laboratoire de ce que point culture doit continuer à faire. Donc, tout le monde se dit, OK. Et le politique dit, OK, c'est bon, on peut vous laisser 6 mois de plus. On est resté finalement 1 an. Et à un moment, on se dit, l'ULB va se saisir. Et faire un projet. C'est ça qu'ils doivent faire. Nous, on ne peut plus. On peut juste les aider à leur dire, vous savez, il y a un lieu qui est là. Regardez comment ça marche. Reprenez le même lieu et faites un peu à votre sauce. Il n'y a personne à l'ULB, c'est ULB Culture, qui s'est saisi de ce truc. Personne. Donc nous, ça fait 1 an qu'on nous balade. On dit à chaque fois, parce qu'on renouvelle les conventions, on dit, mais maintenant, nous, on va devoir partir. Parce que sinon, on va vraiment se trouver mal vis-à-vis du politique qui va dire, dites, vous aviez dit que vous fermiez tous vos lieux, et je vois que l'ULB est encore ouvert. Donc on risque de se faire un petit peu engueuler, entre guillemets. Et donc on dit, et l'ULB, alors vous avez quoi? Et en fait, rien, que dalle. Pourquoi? Parce que nous, à un moment, si on s'en va, et qu'ils veulent ouvrir un lieu, qui va payer les personnes qui vont travailler dans ce lieu? Mais on leur dit, mais il y avait moyen de... Alors ça pouvait être l'ULB, ça pouvait être les communes. Alors effectivement, il y a une problématique sur le campus de l'ULB, c'est qu'en fait, on croit qu'on est sur... XL, mais en fait on est sur 1000 Bruxelles, donc ça complexifie un peu le truc, c'est-à-dire on pourrait se dire, ah, la commune d'XL pourrait mettre de l'argent, mais en fait non, mais quelqu'un m'a dit ouais, mais c'est pas vraiment insurmontable, tu peux dire que 1000 Bruxelles et XL, eh ben, ils se mettent ensemble, en plus c'est les mêmes parties, ils peuvent s'accorder, etc. Mais l'ULB n'a pas insufflé de truc, donc ils nous ont, pourquoi ils nous ont un peu baladé, je le dis ouvertement, c'est parce qu'en fait il y avait un enjeu au sein de l'ULB, c'était de pas perdre ce lieu en tant que lieu culturel, parce que sinon, il y a d'autres gens à l'ULB qui vont s'engouffrer. C'est-à-dire des gens qui ont besoin d'espace, parce que les étudiants, là, ils ne peuvent même pas rentrer dans les auditoires. C'est un truc hallucinant. Enfin, ma fille, elle m'a dit, il y a 500 personnes, mais tous les autres sont dehors de l'auditoire. Parce que, bref, il y a un enjeu de place. Il y a l'ORECA qui n'attend que ça, évidemment. Donc voilà, on est là-dedans. Et donc, sans doute que les gens du ULB Culture, ils ont eu peur en se disant, ouais, mais on va perdre. Si on dit que le lieu est vide, il y a d'autres gens qui vont dire, ah, mais nous, pas de problème, on va l'occuper, etc. Donc, ils ont voulu gagner du temps, mais sauf qu'ils avaient, ils avaient une chance, c'est qu'ils auraient très bien pu dire, OK, on se saisit de ça pour créer un autre espace là. Visiblement, il ne va rien y avoir. Donc là, on resigne une convention jusqu'au mois de mai, et après, on s'en va. C'est sûr, ça? Ouais, c'est définitif. Il n'y a plus d'enjeu à ce moment-là. Sauf si quelqu'un à l'ULB décide de créer quelque chose qui soit, et où nous, on aurait un rôle à jouer. Mais pour le moment, je crois fin mai, on s'en va. Notre directrice, c'est plus tenable pour elle. Moi, je trouve qu'elle a été très courageuse et très proactive sur ce sujet, à la différence de nos autres directeurs qui auraient sûrement dit 1er janvier 2023, on se barre. Elle a essayé de donner une chance à ça, à ce projet. Et moi, je trouve qu'elle a vraiment... c'est super ce qu'elle insuffle comme valeur pour le moment dans Point Culture. Elle s'appelle Edith Berthollet, elle fait un super travail. Ben voilà, maintenant c'est plus tenable. Elle a dit à l'ULB, mais maintenant nous on peut plus rester là, quoi. C'est comme ça, c'est notre contrat programme qui nous oblige à partir, quoi. Je peux pas faire plus que ce que j'ai fait. Mais donc voilà, l'ULB, je trouve qu'ils ont quand même un rôle là-dedans qui est quand même qui est pas terrible, parce que c'est de nouveau des histoires juste parce qu'il faut payer peut-être 2 équivalents temps plein ou 3. On peut pas le faire, mais alors à quoi ça sert, quoi, tu vois, on peut pas faire les choses sans il faut des moyens, hein, quelquefois on peut pas faire sans moyens, et donc bah, les citoyens, citoyennes, ils vont se retrouver juste ceux qui veulent vraiment chercher des médias DVD, CD, qui veulent encore venir à nos conférences et tout ça, ben, ils vont devoir faire autrement, ils vont devoir commander dans le réseau Samarcande. Ils savent que c'est... Alors il y a encore les anciennes médiathèques, ça complexifie encore un peu le bazar. Il y a Uccle, Scarbeck, qui peuvent être encore des moments où là ils peuvent fouiller et tout ça, mais ça reste très très fragilisé. C'est quoi, c'est des anciennes mais... Ouais, alors ça c'est... Alors là quand j'explique... Qui existent encore là maintenant ? Ben, en fait nous, quand en 2009, on fait une première restructuration... En 2007 quand on fait une première restructuration... Il y a dans cette idée déjà de dégraissage des médiathèques qui sont sorties de notre giron et qui maintenant sont liées ou à la commune ou à une bibliothèque. Donc Scarbeck, Uccle, il y a eu Brenne et tout ça. Alors il y en a plein qui ont fermé au final parce qu'au niveau économique c'était de plus en plus fragilisé, mais il y en a qui continuent à exister. Et donc Woluwe par exemple aussi, qui est toujours là, voilà. Et bon, ça s'appelle en plus, c'est ça qui complexifie le truc, c'est qu'on appelle ça des médiathèques, alors qu'ils n'ont plus rien à voir avec nous. Nous, on leur achète encore les disques en fonction des demandes qu'ils ont et tout ça. Mais voilà, donc ces lieux-là resteront les derniers endroits où tu pourras encore fouiller, mais ça reste... Et moi, je dis aux gens, faites gaffe, parce que alors maintenant, les gens étaient préparés mentalement, je dirais, ce qu'on leur dit, vous savez, les médiathèques, ça va fermer, les gens font, ah oui, c'est vrai, ça faisait 15 ans que j'y vais plus... C'est pas illogique que ça ferme. Mais vous verrez, dans 10 ans, alors on me dit, mais non, David, tu exagères, ben, on fera ça avec les bibliothèques. Tu verras. Les livres ? Ben oui, ben bien sûr, évidemment, on est dans le film, moi je finirai ce peut-être... Ce serait énorme, quoi. Mais peut-être qu'on aura préparé les gens à ce qu'ils se disent, ah oui, c'est vrai, bibliothèque. Aujourd'hui, tu dis ça, les gens disent, ah non, moi, ma bibliothèque, c'est super important et tout ça, mais dans 10 ans, tu sais pas, est-ce que les gens seront encore vraiment attachés ? J'exagère peut-être, mais si on l'a fait avec nous, on pourra le faire un jour avec le livre, parce que le livre aussi, il va souffrir de son mode d'accès, etc. Donc, je souhaite qu'il reste des bibliothèques. Mais je dis bien, le politique, il peut faire ce qu'il a fait avec nous, il peut le faire avec d'autres choses. Et c'est ça qu'il faut dire. Il faut que les gens se bougent pour essayer de sauver ce qui est encore sauvable, quoi. Et de revendiquer aussi leurs droits. Je le répète, leurs droits à l'accès à la culture, autre que sur des plateformes, et autre que d'entendre des gens comme Pierre-Yves Lux ou Olivier Marois déblatérer des saloperies, vraiment. Pour moi, c'est proche de l'extrémisme de l'obscurantisme le plus fort que j'ai jamais entendu dans des partis « normaux », entre guillemets. Normaux. Ouais, parce que bon, voilà, évidemment que... Enfin, des partis qui... Pardon. Pas des partis normaux, des partis qui continuent à... qui sont tout le temps aux affaires, en fait, qui sont chaque année... Qui ont bien leur place dans l'espace public, politique. Et ces gens-là racontaient des choses pareilles sur comment les droits culturels doivent devenir en disant tout, et vous savez tout sur Internet de toute façon, ça sert à rien de continuer à avoir des lieux. C'est vraiment cracher à la gueule. Tellement pas vrai. C'est vraiment cracher à la gueule de tous ces gens qui viennent. Moi, je leur dis, venez au Point Culture ULB, voir le nombre de gens qui viennent. On a une activité comme des dingues. Alors évidemment, c'est parce qu'on a centralisé tout ce qui reste, donc les gens viennent à l'ULB, donc il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui commandent, etc., de disques et de DVD, mais venez voir ces gens et venez leur dire en face ce que vous allez faire de leurs droits et de cet accès-là qui va juste, hélas, disparaître. C'est tout ? Peut-être dire juste que Point Culture continue quand même à être là, d'être en appui des bibliothèques, de faire un super boulot, on est quand même encore une quarantaine, et que c'est pas des missions qui sont vaines, ce qu'on fait a du sens, mais ce qu'on fait avait du sens s'il y avait aussi des lieux physiques avec des lieux de vie, des trucs qu'on peut organiser, tout ça. Et ça, hélas, ça c'est perdu, quoi. C'est perdu parce que le politique a décidé que c'était fini. Voilà. Merci David. Bon appétit.